Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 7e, unité de substance. Chapitre 4. Pourquoi les Grecs ont été obligés de dire trois hypostases, et les Latins trois personnes? En traitant de ces ineffables mystères, et pour exprimer en quelque façon des choses qu'il n'est pas possible d'exprimer, les Grecs ont dit une essence et trois substances, les Latins une essence ou substance et trois personnes, vu que, dans notre langue latine, comme nous l'avons déjà dit, essence signifie substance, livre 5, chapitre 2, 8. On a adopté ce langage afin de se faire comprendre au moins en énigme, et pour répondre à ceux qui demandent ce que c'est que ces trois, que la vraie foi distingue au nombre de trois, puisqu'elle ne dit point que le Père soit le Fils, ni que le Saint-Esprit, qui est le don de Dieu, soit le Père ou le Fils. Quand donc on demande ce que c'est que ces trois triaveltresses, nous nous efforçons de trouver une expression particulière ou générale qui les renferme, et nous n'en rencontrons pas, parce que l'excellence infinie de la divinité est au-dessus de tout langage connu. En effet, quand il s'agit de Dieu, la pensée approche plus de la réalité que le langage, et la réalité est bien au-dessus de la pensée. Quand nous disons que Jacob n'est pas Abraham, et qu'Isaac n'est ni Abraham ni Jacob, nous reconnaissons qu'Abraham, Isaac et Jacob sont trois êtres distincts. Et si on nous demande ce que c'est que ces trois, nous répondons que ce sont trois hommes, si nous voulons leur donner un nom spécial au pluriel, que ce sont trois êtres vivants, si nous voulons leur donner un nom général, car l'homme, selon la définition des anciens, est un être vivant doué de raison et sujet à la mort, ou, si nous voulons employer le langage de nos écritures, nous dirons que ce sont trois âmes, en donnant à l'homme entier, composé d'un corps et d'une âme, le nom de l'âme, sa meilleure partie. C'est ainsi qu'on lit que Jacob descendit en Égypte avec 75 âmes, c'est-à-dire 75 personnes, Genèse 46, Deutéronome 10, 22. De même, quand nous disons, « Ton cheval n'est pas le mien, et celui d'un tiers n'est ni le mien ni le tien », nous reconnaissons que ce sont trois êtres, et si on nous demande ce que c'est que ces trois êtres, nous répondrons, par le nom spécial, que ce sont trois chevaux, ou, par le nom général, que ce sont trois animaux. Et encore, quand nous disons qu'un bœuf n'est pas un cheval, et qu'un chien n'est ni un bœuf ni un cheval, nous parlons de trois choses, et si on nous demande ce que c'est que ces trois choses, nous ne répondons plus, par le nom spécial, que ce sont trois chevaux, ou trois bœufs, ou trois chiens, mais, par le nom général, que ce sont trois animaux, ou, par une expression plus étendue encore, que ce sont trois substances, ou trois créatures, ou trois natures. Or, tout ce qui peut s'énoncer au pluriel sous un seul mot spécial, peut aussi s'exprimer sous un seul mot général, mais tout ce qui peut s'exprimer sous un seul mot général, ne peut pas se désigner sous un seul mot spécial. En effet, ce qui s'appelle, du nom spécial, trois chevaux, peut aussi s'appeler trois animaux, mais le cheval, le bœuf et le chien ne peuvent se désigner que par un nom général, animaux, substances, ou tout autre de ce genre. L'on ne peut dire, par le mot spécial, que ce sont trois chevaux, trois bœufs ou trois chiens. Car nous ne désignons sous un seul nom au pluriel que les objets auxquels le sens de ce nom peut s'appliquer en commun. Or, ce qu'Abraham, Isaac et Jacob ont de commun, c'est d'être hommes, voilà pourquoi on les appelle trois hommes. Ce que le cheval, le bœuf et le chien ont de commun, c'est d'être animal, Voilà pourquoi on les appelle trois animaux. De même, trois lauriers peuvent s'appeler trois lauriers ou trois arbres, mais le laurier, le myrte et l'olivier ne peuvent s'appeler que trois arbres, ou trois substances, ou trois natures. Ainsi, trois pierres peuvent s'appeler trois pierres ou trois corps, mais la pierre, le bois et le fer ne peuvent se désigner que sous le nom de trois corps ou sous quelque autre expression plus générale encore. Si donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois, cherchons ce que sont ces trois et ce qu'ils ont de commun. Ce qu'ils ont de commun n'est pas le titre de Père, tellement qu'ils soient pères les uns des autres, comme des amis par exemple dont on peut dire que ce sont trois amis, parce qu'ils le sont relativement et réciproquement. Ici cela n'a point lieu, puisque le Père seul y est Père, et Père, non de deux fils, mais d'un fils unique. Il n'y a pas non plus trois fils, puisque le Père n'y est point fils, non plus que le Saint-Esprit. Il n'y a pas davantage trois esprits saints, puisque l'Esprit Saint étant appelé proprement don de Dieu, n'est ni le Père ni le Fils. Qu'est-ce donc que ces trois, si ce sont trois personnes, c'est que la qualité de personne leur est commune. Ce sera donc, d'après le langage usité, leur nom spécial ou général. Mais là où il n'y a pas de différence de nature, les êtres renfermés sous une dénomination générale peuvent aussi recevoir une dénomination spéciale. En effet, la différence de nature fait que le laurier, le myrte et l'olivier, ou le cheval, le bœuf et le chien ne peuvent être appelés d'un nom spécial. Ceux-là, trois lauriers, ceux-ci, trois bœufs, mais seulement d'un nom général, trois arbres, trois animaux. Or, ici où il n'y a pas de différence d'essence, il faut que les trois aient un nom spécial et nous n'en trouvons pas, car le mot personne est général, à tel point qu'il peut s'appliquer même à l'homme, malgré la distance infinie qui sépare l'homme de Dieu. De plus, à nous en tenir à une expression générale, si nous donnons le nom de personne aux trois parce que la qualité de personne leur est commune, autrement on ne pourrait les appeler ainsi, pas plus qu'on ne peut les appeler trois fils, parce que la qualité de fils ne leur est pas commune, pourquoi ne les appellerons-nous pas aussi trois dieux? Évidemment, puisque le Père est personne, le Fils personne, le Saint-Esprit personne, il y a trois personnes. Par conséquent, puisque le Père est Dieu, le Fils Dieu, le Saint-Esprit Dieu, pourquoi n'y a-t-il pas trois dieux? Ou bien si, par leur ineffable union, les trois ne font qu'un dieu, pourquoi ne font-ils pas aussi une seule personne, en sorte que nous ne puissions pas plus dire trois personnes, bien que nous donnions à chacun en particulier le nom de personne, que nous ne pouvons dire trois dieux, quoique nous donnions en particulier le nom de Dieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Est-ce parce que l'Écriture ne parle pas de trois dieux? Mais nulle part, que nous sachions, cette même Écriture ne parle de trois personnes. Serait-ce parce que, si l'Écriture ne parle ni d'une, ni de trois personnes, nous y voyons, en effet, la personne du Seigneur? Nulle part le Seigneur est nommé personne. On a dû, pour le langage et la discussion, parler de trois personnes, ce que l'Écriture ne dit pas, mais ne contredit pas. Tandis que si nous parlions de trois dieux, elle s'élèverait contre nous, en disant, « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu un. » Deutéronome 6, 4. Pourquoi alors ne serait-il pas permis de parler de trois essences, ce que l'Écriture ne dit pas non plus, mais ne contredit pas davantage? Car si essence est le nom spécial comme un autre trois, pourquoi ne dit-on pas trois essences, comme on dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce sont trois hommes, parce que homme est le nom spécial commun à tous les hommes. Que si le mot essence n'est pas un nom spécial, mais général, vu que l'homme, l'animal, l'arbre, l'astre, l'ange sont appelés essence, pourquoi ne dit-on pas ici trois essences comme on dit que trois chevaux sont trois animaux, trois lauriers, trois arbres, et trois pierres trois corps? Ou si, à cause de l'unité de la Trinité, on ne dit pas trois essences, mais une essence, pourquoi, à raison de cette même unité, ne dit-on pas une substance ou une personne, au lieu de trois substances ou de trois personnes? Car si le nom d'essence leur est commun, tellement que chacun en particulier puisse être appelé essence, celui de substance ou personne leur est également commun. En effet, il faut comprendre que ce que nous avons dit des personnes d'après le génie de notre langue, les Grecs l'entendent des substances, d'après le génie de la leur. Ils disent donc trois substances et une essence, comme nous disons trois personnes et une essence ou une substance. Que nous reste-t-il donc, sinon à avouer que ces expressions nous ont été imposées par la nécessité de parler, de soutenir de nombreuses discussions contre les pièges ou les erreurs des hérétiques. En effet, l'indigence humaine s'efforçant de mettre, par le langage, à la portée des hommes, ce que l'esprit perçoit, au fond de la pensée, du Seigneur Dieu son Créateur, a craint, soit par un pieux sentiment de foi, soit par une vue quelconque de l'intelligence, a craint de dire trois essences, de peur de laisser croire à quelque différence dans cette parfaite égalité. D'autre part, elle ne pouvait se dispenser de reconnaître trois choses, car c'est pour s'y être refusé que Sabellius est tombé dans l'hérésie. En effet, l'Écriture établit de la manière la plus certaine, et l'Esprit perçoit par une vue indubitable, cette pieuse croyance que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent, que le Fils n'est point le même que le Père, ni le Saint-Esprit le même que le Père ou le Fils. Mais que sont ces trois ? L'indigence humaine a cherché à l'exprimer, et elle s'est servie de ces mots hypostases ou personnes, entendant par là, non une diversité, mais une distinction, de manière à laisser subsister, non seulement l'unité, puisqu'on ne parle que d'une seule essence, mais aussi la Trinité, puisqu'on distingue trois hypostases ou personnes. En effet, si être et subsister sont la même chose en Dieu, on ne pouvait dire trois substances, puisqu'on ne peut dire trois essences. De même que, être et être sage étant la même chose en Dieu, on ne peut pas plus dire trois sagesses que trois essences. Et encore, puisque pour lui être et être Dieu sont une seule chose, il n'est pas plus permis de dire trois essences que trois dieux. Mais si être et subsister ne sont point pour Dieu la même chose, pas plus que être Dieu et être Père ou Seigneur, car être est un terme absolu, tandis que Père est un terme relatif au Fils, et Seigneur un terme relatif au serviteur. Le mot subsister serait donc aussi relatif, comme l'acte d'engendrer ou de dominer. Alors la substance ne serait plus proprement substance, mais un rapport. Car comme le mot essence dérive de être, est-ce, ainsi le mot substance dérive de subsister. Or, il est absurde de donner au mot substance un sens relatif, car tout être subsiste en lui-même, à combien plus forte raison Dieu ? Chapitre 5, en Dieu, substance est un terme abusif, essence est le mot propre. Si tant est cependant que le mot subsister soit digne de Dieu, On comprend ce mot quand il s'applique à des choses qui servent de sujet à d'autres, comme par exemple à la couleur ou à la forme, s'il s'agit d'un corps. Car le corps subsiste, et c'est pour cela qu'on l'appelle substance. Mais la couleur et la forme appliquées à ce corps qui subsiste ne sont pas substance, mais seulement dans une substance. De telle sorte que, si elle cesse d'être, elle n'empêche pas le corps d'être corps, parce que, pour lui, être et avoir telle couleur et telle forme ne sont pas la même chose. Le mot substance s'applique donc proprement aux choses changeantes et qui ne sont pas simples. Mais si Dieu subsiste en ce sens qu'on puisse justement l'appeler substance, il y a donc en lui quelque chose dont il n'est que le sujet. Il n'est donc pas simple. Ce n'est donc pas pour lui la même chose d'être et d'être tout ce qu'on peut dire de lui, grand, par exemple, tout puissant, bon, et le reste. Or, c'est une impiété de dire que Dieu subsiste, c'est-à-dire qu'il est simple sujet de sa bonté, que cette bonté n'est pas sa substance même ou plutôt son essence, qu'il n'est pas sa bonté même, mais que cette bonté est en lui comme en un sujet. Il est donc évident que le mot de substance est abusif pour désigner en Dieu ce qu'exprime le mot essence, qui est plus usité et proprement et justement employé, à tel point que Dieu seul doit être appelé essence. En effet, il existe vraiment seul, parce que seul il est immuable, et c'est en ce sens qu'il a révélé son nom à son serviteur Moïse, quand il lui a dit, « Je suis celui qui suis. » Et encore, « Tu leur diras, « Celui qui est, m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. Cependant, soit qu'on l'appelle essence, ce qui est le mot propre, soit qu'on le nomme substance, ce qui est le terme abusif. En tout cas, on parle dans le sens absolu, et non dans le sens relatif. Alors être et subsister seront la même chose en Dieu, et si la Trinité n'est qu'une essence, elle ne sera non plus qu'une substance. Il est donc peut-être plus juste de dire trois personnes que trois substances. Chapitre 6. Pourquoi dans la Trinité ne dit-on pas une personne et trois essences? L'homme est fait à l'image, et, l'image de Dieu. Mais pour ne pas paraître partial, étudions encore ce point. Du reste, les Grecs pourraient, s'ils le voulaient, dire trois personnes, tria prosopa, comme ils disent trois substances, très hypostasé. Mais ils ont peut-être cru cette dernière expression plus conforme au génie de leur langue, car le raisonnement est le même pour les personnes, en Dieu être ou être personne est absolument la même chose. En effet, si le mot être est absolu et le mot personne relatif, il faudra donc dire des trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que nous disons de trois amis, de trois proches ou de trois voisins. Qu'aucun d'eux ne l'est par rapport à lui-même, mais seulement par rapport aux autres. Ainsi, chacun d'eux est l'ami, le parent ou le voisin des deux autres, puisque ces expressions ont une signification relative. Quoi donc? Dirons-nous que le Père est la personne du Fils et du Saint-Esprit, ou que le Fils est la personne du Père et du Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit est la personne du Père et du Fils? Mais nulle part le mot de personne ne s'emploie en ce sens, et quand, dans la Trinité, nous parlons de la personne du Père, nous n'entendons pas autre chose que la substance même du Père. C'est pourquoi, comme la substance du Père est le Père même, non en tant qu'il est Père, mais en tant qu'il est, ainsi la personne du Père n'est pas autre chose que le Père lui-même, car c'est en lui-même qu'il est dit personne, et non par rapport au Fils ou au Saint-Esprit, tout comme c'est en lui-même qu'il est dit Dieu, grand, bon, juste, etc. Et commettre et être Dieu, grand, bon, sont pour lui la même chose, ainsi être et être personne sont aussi pour lui la même chose. Pourquoi donc n'appelons-nous pas ces trois choses une seule personne, comme nous les appelons une seule essence et un seul Dieu, mais pourquoi disons-nous trois personnes, quand nous ne disons pas trois dieux ou trois essences, sinon parce que nous voulons avoir au moins un mot pour exprimer la Trinité, et ne pas rester muets quand on nous demande ce que c'est que ces trois, puisque nous confessons qu'ils sont trois? Que si essence est le mot du genre, et substance ou personne le nom de l'espèce, comme le pensent quelques-uns, je ne répéterai point ce que j'ai dit plus haut, qu'il faudra parler de trois essences comme on parle de trois substances ou de trois personnes, comme on parle de trois chevaux, qui sont trois animaux de la même espèce, cheval étant l'espèce, et animal, le genre. Car, là non plus, l'espèce n'est pas prise au pluriel et le genre au singulier, comme si on disait, trois chevaux sont un seul animal, mais comme on dit trois chevaux du nom de l'espèce, on dit trois animaux du nom du genre. Et si l'on dit que le mot substance ou personne ne désigne pas l'espèce, mais quelque chose de particulier et d'individuel, en sorte qu'il ne se prendrait pas dans le sens du mot homme, qui est commun à tous les hommes, mais dans le sens de tel ou tel homme, Abraham, Isaac, Jacob, ou tel individu qu'on peut indiquer du doigt. Dans ce sens, dis-je, on n'échapperait point encore au même raisonnement. En effet, dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont trois individus, c'est dire aussi que ce sont trois hommes et trois âmes. Pourquoi alors, si nous nous en tenons à une notion sur le genre, l'espèce et l'individu, ne pas dire trois essences, aussi bien que trois substances ou trois personnes? Mais, comme je l'ai dit, je passe là-dessus, et me borne à dire que si essence est le genre, une seule essence n'a pas plusieurs espèces, par exemple, si animal est le genre, un seul animal n'a pas plusieurs espèces. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois espèces d'une seule essence. Mais si l'essence est espèce, comme l'homme est espèce, ainsi les trois choses que nous appelons substance ou personne ont la même espèce, de même qu'Abraham, Isaac et Jacob ont en commun l'espèce qui s'appelle homme. Cependant, si l'espèce homme se subdivise en Abraham, Isaac et Jacob, un seul homme ne peut pas se subdiviser en plusieurs hommes, cela est tout à fait impossible, puisqu'un seul homme est un homme indivisible. Pourquoi donc une seule essence se subdivise-t-elle en trois substances ou personnes? Car si l'essence est espèce, dans l'homme par exemple, il n'y a qu'une essence là où il n'y a qu'un seul homme. Serait-ce que comme nous disons de trois hommes ayant le même sexe, le même tempérament, le même caractère, qu'ils n'ont qu'une seule nature? En effet, ce sont trois hommes, et leur nature est une. De même nous disons ici que trois substances sont une seule essence, ou que trois personnes sont une seule substance ou essence. Sans doute il y a là une analogie quelconque, car les anciens auteurs latins, ne connaissant pas ces mots d'essence ou de substance, qui sont d'origine récente, y substituaient celui de nature. Nous ne parlons donc pas ici d'après le genre et les espèces, mais, pour ainsi dire, d'une matière commune et identique. C'est ainsi que nous dirions de trois statues faites du même or, que c'est le même or, sans exprimer que l'or est le genre, les statues les espèces, ni que l'or est espèce et les statues individus. Car aucune espèce ne sort des individus qui lui appartiennent, ni ne s'étend au-delà. quand j'ai défini la nature de l'homme, qui est un nom d'espèce, ma définition renferme tous les individus hommes et ne s'étend à rien qui ne soit pas homme. Mais quand je définis l'or, ce mot ne s'applique pas seulement au statut d'or, mais aux anneaux et à tout objet fait de ce métal. Ma définition subsiste, même si l'or n'est pas fabriqué, et les statues sont encore statues, même quand elles ne sont pas d'or. De même, aucune espèce ne dépasse la définition du genre qui lui est propre. En effet, quand j'ai défini l'animal, le cheval étant une espèce de genre animal, tout cheval est animal, mais toute statue n'est pas or. Ainsi, quand nous disons de trois statues d'or que c'est le même or, nous n'entendons pas dire que l'or est le genre et les statues des espèces. Donc, quand nous disons de la Trinité qu'elle consiste en trois personnes ou substances, qu'elle est une seule essence et un seul Dieu, nous n'entendons pas dire que ces trois personnes soient en quelque sorte d'une même matière. Quelques explications qui aient pu être données d'ailleurs. Car, hors de cette Trinité, il n'y a rien qui soit de son essence, pourtant nous disons que ces trois personnes sont de la même essence ou qu'elles n'ont qu'une seule essence. Mais nous ne disons pas cela en ce sens que l'essence soit autre chose que la personne, comme, par exemple, pour trois statues faites du même or, nous pouvons dire que c'est le même or, bien que autre chose soit d'être or, autre chose d'être statue. Également, quand nous disons de trois hommes que c'est une seule nature, ou que ces trois hommes sont de la même nature, on peut dire aussi qu'ils sont faits de la même nature, puisqu'en vertu de cette même nature, trois autres hommes peuvent exister. Mais il n'en est pas de même de l'essence de la Trinité, puisqu'aucune autre personne ne peut en être formée. De plus, un homme seul n'est pas autant que trois réunis, et deux sont plus qu'un, dans des statues d'or égales. Il y a plus d'or dans trois réunis que dans chacune d'elles et moins d'or dans une que dans deux. Mais en Dieu il n'en est pas ainsi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis ne sont pas une essence plus grande que le Père seul ou le Fils seul. Mais ces trois substances ou personnes, comme on voudra les appeler, réunies ensemble sont égales à chacune d'elles. Ce que l'homme animal ne saurait comprendre, car il ne peut imaginer que des substances matérielles et des espaces plus ou moins grands, à travers les fantômes qui voltigent dans sa tête sous des formes corporelles. En attendant qu'il soit dégagé de ses immondices, qu'il croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en un Dieu unique, grand, tout-puissant, bon, juste, miséricordieux, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Qu'il croit tout ce que le langage humain peut exprimer de digne et de vrai. Et quand il entend dire que le Père est le seul Dieu, qu'il n'en sait pas point le Fils ni le Saint-Esprit, car le seul Dieu est avec celui avec lequel il ne fait qu'un Dieu, puisque, quand nous entendons dire du Fils aussi qu'il est le seul Dieu, nous ne pouvons en aucune façon le séparer du Père ou du Saint-Esprit. Qu'il confesse donc une seule et même essence, et ne se figure point une personne plus grande ou meilleure qu'une autre, ni une différence quelconque entre elles. Non cependant que le Père soit le Fils et le Saint-Esprit, ni que l'attribut relatif de l'un soit celui de l'autre. Le nom de Verbe par exemple, ne se donnant qu'au Fils, et celui de donc au Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils admettent le nombre pluriel, comme on le voit dans l'Évangile. Moi et mon Père nous sommes un. Jean 10, 30. Jésus dit tout à la fois, un. Et, nous sommes, un. Quant à l'essence, parce que c'est le même Dieu, nous sommes, au point de vue relatif, l'un étant le Père et l'autre le Fils. Parfois l'unité d'essence n'est point exprimée, et on ne mentionne que les relatifs au pluriel. Moi et mon père, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Jean 14, 23. Nous viendrons et nous ferons notre demeure, au pluriel, parce qu'il a d'abord dit « Moi et mon Père », c'est-à-dire « le Fils et le Père », deux termes relatifs. D'autres fois le sens est entièrement couvert, comme dans ce passage de la Genèse « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Genèse 1, 26. Faisons, notre, pluriel qui ne peuvent s'entendre que dans le sens relatif. En effet, il ne s'agit pas de Dieu se proposant de faire l'homme à leur image et à leur ressemblance, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit créant l'homme à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que l'homme soit l'image de Dieu. Or, Dieu est Trinité. Mais comme cette image n'était nullement l'égale de Dieu, qu'elle n'était point née de lui, mais créée par lui, on a voulu exprimer cela en disant que c'était une image faite à l'image, c'est-à-dire non pareille, mais ressemblante jusqu'à un certain point. Car ce n'est point par la distance locale, mais par la ressemblance ou la dissemblance qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de Dieu. Il en est qui établissent ici une distinction, et veulent que le Fils soit l'image, et l'homme, non l'image, mais fait à l'image. L'apôtre les réfute en disant « L'homme ne doit pas voiler sa tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu » 1 Corinthiens 11, 7. Il ne dit pas « à l'image », mais « l'image ». Pourtant, quand ailleurs on dit, à l'image, il ne s'agit pas du Fils, qui est l'image égale au Père, autrement on ne dirait pas, à notre image. Pourquoi, notre, quand le Fils est l'image du Père seul? Mais, comme nous l'avons dit, à cause de l'imperfection de la ressemblance, l'homme est dit fait, à l'image, et on ajoute, notre, pour que l'homme soit l'image de la Trinité, non image égale à la Trinité, comme le Fils l'est au Père, mais ressemblant en certains points, ainsi que nous l'avons expliqué. C'est ainsi qu'entre des objets différents on signale un certain rapprochement, non de lieu, mais d'imitation. En ce sens l'apôtre a dit, réformez-vous dans le renouvellement de votre esprit, Romains 12, 2. Et encore, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme enfants bien-aimés. Éphésiens 5, 1. Ici en effet on s'adresse à l'homme nouveau, qui se renouvelle à la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 10. Que si les besoins de la discussion exigent, même en dehors des noms relatifs, l'emploi du nombre pluriel afin de pouvoir répondre par un seul mot à cette question, qu'est-ce que les trois, et que l'on soit obligé de dire trois substances en trois personnes, qu'au moins on écarte de son esprit toute idée de matière et d'espace, de différence quelconque ou d'infériorité de l'un vis-à-vis de l'autre. À quelque mince degré ou de quelque façon que ce soit, en sorte qu'il n'y ait aucune confusion dans les personnes, ni aucune distinction qui entraîne une inégalité. Et que la foi maintienne ce que l'intelligence ne peut comprendre, jusqu'à ce que les cœurs soient éclairés par celui qui a dit par son prophète, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Isaïe 7, 9. Markendanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.